Notre environnement est de plus en plus bruyant, des moteurs, la radio, le frigidaire, l'ordinateur. Le bruit est maintenant, en fait, est quasiment constant. Il n'y a que la nuit que nos oreilles peuvent se reposer. Mais pour certaines personnes, même quand les sons ambiants diminuent, les oreilles continuent à percevoir ces sons, des sons qui font mal. Alors, pour nous parler de ces sons persistants, j'accueille notre chroniqueuse Morgane Lemasson. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, tu as un petit son à nous faire entendre, tu comprends bien? Voici ce qu'un acouphène entend toute la journée. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des acouphènes, mais avant tout, je voudrais prendre quelques minutes afin de remercier Mathieu Guiton, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Mathieu Guiton est en fait professeur à la faculté de pharmacie à l'Université Laval et chercheur à l'Institut en santé mentale du Québec. Il est notamment spécialisé dans les acouphènes. Alors, que sont les acouphènes? Oui, très bonne question. Eh bien, ce sont des sons allant du sifflement au bourdonnement, voire au grondement, qui sont entendus, en fait, en l'absence de toute stimulation acoustique. OK, même s'il n'y a pas de bruit, c'est ça? Voilà. Donc, en d'autres termes, ce sont comme des sons fantômes qu'on peut même entendre dans un silence le plus total. Alors, on connaît actuellement trois causes principales pour ces acouphènes. La première qui a été pendant très très longtemps, la cause majeure, c'est le vieillissement et notamment le vieillissement de l'oreille interne. Mm-hmm. Donc cette cause touchait uniquement les personnes âgées. Alors la seconde cause, c'est les traumatismes sonores répétés qui sont actuellement de plus en plus importants. Et la troisième, qui est beaucoup moins importante que les deux autres, c'est la prise de certains médicaments tels que le salicylate, qui est le produit actif de l'aspirine. L'aspirine, c'est ça. Voilà. L'acétyl salicylique, oui. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais plus les années passent et plus on entend parler de ces acouphènes. C'est un fait qu'avant, on n'entendait pas parler du tout de ça. Non. Parce qu'en fait, avant, la seule population qui était touchée, c'était les vieilles personnes. Et qu'aujourd'hui, plus les années passent, plus on voit que le nombre de jeunes atteints par cette maladie grandit considérablement. Alors, en fait, ça, c'est dû au fait que notre mode de vie change progressivement. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est dû à une augmentation de la pollution sonore et donc à tous ces bruits qu'on entend constamment, qui sont des petits chocs plus ou moins intenses, comme les moteurs, les travaux, etc. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on estime à l'heure actuelle que 10% des adultes sont atteints par cette maladie, ce qui la range dans la même catégorie maintenant que le diabète ou l'hypertension artérielle. Mmh. C'est pour vous dire à quel point... C'est pas négligeable. Voilà, maintenant, ça devient un véritable problème en santé publique. Mais compte tenu du vieillissement de la population, de l'accroissement de la prise de médicaments et de la pollution sonore, en fait, on peut donc penser que cette maladie est destinée à évoluer dans le futur et à toucher une population de plus en plus large. Voilà. Y a-t-il différents types d'acouphènes? Oui, bien sûr, il y a différents types d'acouphènes que l'on distingue de par leur durée et leur intensité. Donc, en fait, si certains acouphènes sont transitoires, comme le sifflement que l'on peut entendre après un concert trop fort, par exemple, donc qui va disparaître après 12 à 16 heures, eh bien, certains sont malheureusement permanents. Et de plus, les acouphènes peuvent avoir des niveaux sonores très divers. Selon les cas, les personnes atteintes peuvent endurer des bruits d'intensité plus ou moins élevée, allant du simple rasoir électrique, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou carrément à un bruit de réacteur d'avion. C'est quand même incroyable. Voilà, même, hein. Donc on comprend bien comment ces acouphènes peuvent devenir très très rapidement insupportables pour l'individu et dans certains cas, ils sont même comparés à de véritables douleurs chroniques. Alors le problème ne s'arrête pas là. Donc les acouphéniques n'ont pas seulement à gérer ces bruits incessants, mais ils vont voir petit à petit que la qualité de leur vie va se détériorer. Et notamment, on note un changement dans leur comportement. Ils deviennent bien évidemment plus irrités, irritables, très stressés, très anxieux. Certains vont tomber en dépression et ils vont avoir beaucoup de mal à dormir. Mmh. L'impatience aussi. Voilà. Et donc, ça va provoquer une dégradation dans leurs relations en général, telles que leurs relations professionnelles et sociale, voire souvent familiale. Donc imaginez-vous, par exemple, essayer de tenir une conversation, comme on le fait actuellement, avec un bruit de marteau-piqueur à fond dans les oreilles. Vous verrez à quel point c'est difficile, parce que ça va demander beaucoup plus de concentration que pour une personne saine, et ça va être très, très fatigant. Et ça, ce n'est pas le seul problème des acouphéniques. À ce problème-là, s'en rajoute un deuxième qui est l'incompréhension de l'entourage. Donc, c'est-à-dire que si la personne en face de l'acouphénique n'a jamais subi d'acouphène, elle va avoir beaucoup de mal à savoir ce que c'est et à être indulgent envers cette personne et patiente. Donc, ces deux éléments-là vont faire que progressivement, ça va détériorer toutes les relations sociales qu'ils peuvent avoir. Ce qui est intéressant, c'est que les recherches qui ont été effectuées chez l'homme et les recherches aussi chez l'animal, effectuées par Mathieu Guiton notamment, ont montré que les acouphéniques, bien plus que les personnes saines, vont avoir tendance à chercher à développer des contacts avec leur entourage et de façon très importante. Mm-hmm. La difficulté, c'est qu'ils vont être incapables de les maintenir longtemps. Et donc ça, malheureusement, vraiment dans les cas les plus sévères, ça va être l'isolement, la dépression. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces pour soigner les acouphènes? Ben non, malheureusement non. Il y a bien pas encore. Il y a bien des traitements pharmacologiques qu'on l'on donne quotidiennement et à vie, qui vont améliorer la situation, mais qui ne bloquent pas totalement les acouphènes. Par contre, on propose aussi des thérapies comportementales, notamment aux acouphéniques sévères, qui va servir à les aider à vivre avec ce bruit incessant et aussi à gérer les effets secondaires. Et ce point-là est très, très important parce que les effets secondaires eux-mêmes peuvent avoir des influences sur les acouphènes. C'est-à-dire que, par exemple, Mathieu Guiton, chez l'animal, et ça aussi, ça a été confirmé par la suite chez l'homme, il a montré que l'anxiété pouvait augmenter le niveau sonore des acouphènes. Et donc après, là, on rentre dans un véritable cercle vicieux. Ouais. Plus on a des acouphènes, plus on est anxieux, plus les acouphènes vont être forts. Donc il est très important en thérapie, donc au niveau clinique, de prendre en charge à la fois les acouphènes et les effets secondaires. Et pourquoi, en fait, aucun traitement efficace n'a pu être mis à jour jusqu'à présent? Mais il y a deux raisons à cela. La première, comme je vous l'ai dit, jusqu'à récemment, seules les personnes âgées étaient atteintes. Donc, la proportion de gens malades était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Et l'acouphène, la maladie liée aux acouphènes, n'était pas un problème en santé publique. Oui, parce qu'en fait, l'incidence était trop faible. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de gens qui étaient atteints de cette maladie-là pour qu'on consacre de l'argent pour la recherche. Donc, maintenant, ça le devient. La deuxième chose, c'est que la recherche fondamentale s'est confrontée à un problème majeur qui est l'utilisation d'animaux pour chercher les causes biologiques. Oui. Ou les traitements, parce que si vous pouvez demander à un patient s'il entend des acouphènes et à quel niveau sonore... Il peut répondre, lui. Lui, il peut répondre. L'animal, par contre. Et donc, ça a vraiment freiné toutes les études, toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine. Mais heureusement, les chercheurs en neurosciences, tels que Mathieu Guiton, encore une fois, ont réussi à contourner ce problème en établissant des modèles comportementaux. Donc, au lieu de demander à l'animal s'il entend quelque chose dans un silence complet, on va lui apprendre à effectuer une tâche, par exemple appuyer sur un levier, dès qu'il va entendre quelque chose. Et ça a fait beaucoup avancer les recherches et on a compris notamment comment les mécanismes moléculaires pouvaient donner des acouphènes. En fait, quelles étaient les causes biologiques de ces acouphènes? En fait, est-ce qu'on en connaît, en fait, les causes biologiques des acouphènes? Oui, on sait actuellement que 100% des acouphènes proviennent d'un problème au niveau d'une même structure, qui est une structure dans l'oreille interne, et qui s'appelle la cochlée. D'accord. Et avant de vous parler un peu de ces causes biologiques, je vais tout d'abord vous expliquer comment on perçoit un son. Alors, lorsqu'il y a un son, ce son va rentrer dans le pavillon de l'oreille, va être transporté jusqu'au tympan grâce au conduit auditif externe. Le tympan, en fait, c'est la paroi qui sépare l'oreille externe de l'oreille interne. C'est la table de résonance. Voilà. En fait. Dès que le son va arriver, ça va faire vibrer justement le tympan. Ça va bouger les liquides, ça va donner un mouvement au liquide dans l'oreille interne qui va produire l'activation des cellules sensorielles. Et en fait, ces cellules sensorielles, si vous voulez, c'est les cellules réceptrices du son. D'accord. C'est elles qui vont avoir en charge de transmettre l'information auditive, l'information sonore au cerveau. Alors, comment se passe l'échange des informations entre le nerf... Le nerf auditif et les cellules réceptrices. Voilà, parce que les cellules réceptrices, en fait, vont donner l'information au nerf auditif qui, lui, va la propager jusqu'au cerveau. Et donc, comment ça se fait ? Ben, c'est juste que dès que les cellules sensorielles vont être activées, elles vont libérer des molécules qui sont des neurotransmetteurs excitateurs qui vont donc aller se lier à des récepteurs spécifiques sur le nerf auditif. Et donc, ça va provoquer l'activation du nerf et donc l'apport au cerveau. Alors, lorsque l'on entend, lorsqu'on subit un traumatisme sonore unique... Comme une explosion ou encore un show de kiss, par exemple. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir surstimulation. Donc, notre cellule sensorielle va libérer énormément de neurotransmetteurs à une concentration telle que ça va être toxique. Et ça va avoir tendance à dégrader le nerf auditif. Mmh. Et donc, pour se protéger, lui, il va augmenter le nombre de récepteurs à sa paroi. Et donc, on va avoir un petit son fantôme. Et par la suite, ben, ça va redevenir à la normale. Le nombre de récepteurs va diminuer. Le nerf auditif va fonctionner normalement. Et on n'aura plus du tout d'acouphènes. Mmh. Maintenant, lorsqu'il y a des traumatismes sonores répétés, ce qui se passe, c'est comme si votre nerf auditif en avait marre à chaque traumatisme sonore d'être bloqué, d'être dégradé, puis réparé. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire en grande quantité ses récepteurs et il va les maintenir à la membrane. Et donc, on va avoir ces sons fantômes-là de façon constante. De façon permanente. Ouais. Voilà. Donc les cibles pour les médicaments sont ces récepteurs. Et justement, les neurobiologistes ont trouvé des molécules pouvant bloquer ces récepteurs spécifiques. Ils proposent même une approche qui est une approche transtympanique qui consiste à amener au cerveau directement à travers le tympan les médicaments. Et donc ça peut bloquer 100% des acouphènes liés aux drogues et aux acouphènes liés au traumatisme sonore si on prend le problème au départ. Oui, c'est un fait, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est une excellente idée d'occuper finalement les récepteurs avec des molécules. Voilà, c'est ça. On les bloque, on utilise une chirurgie qui est mineure. Donc, on a vu que ça marchait sur les acouphènes liés aux drogues et traumatisme sonore dès le début. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est... la recherche, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ce qu'ils veulent maintenant développer, c'est bien sûr adapter ces molécules et cette approche à la clinique humaine. Développer aussi des molécules qui marchent sur les acouphènes à long terme, donc les vieux acouphènes, et enfin vraiment établir des stratégies combinées qui agiraient à la fois sur les acouphènes et sur les effets secondaires, notamment sur l'anxiété. Alors voilà tout un programme de recherche. Merci beaucoup Morgane Lemasson de nous avoir expliqué ce que sont les acouphènes et aussi de nous avoir donné un aperçu de la recherche qui s'effectue à l'Institut universitaire en santé mentale.